Votre sélection débutera après cette publicité. Ce contenu est présenté par IKEA. Pour créer la chambre de vos rêves, profitez en ce moment d'une réduction de 15 % sur les lits, matelas et armoires penderies lors de la promo chambre à coucher de IKEA. Détails à fr.ikea.ca. Bonne écoute. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les années Nagano à Montréal. J'ai essayé d'amener pour nous une programmation uniquement avec les meilleures musiques qu'on peut trouver, ouais. Les grands chefs-d'œuvre. Évidemment, on cherche la perfection, on ne peut pas avoir, évidemment, nous sommes des êtres humains, mais quand même, on peut sentir la grande volonté d'essayer, la grande ambition d'essayer pour cette perfection. Peut-être ça, on peut appeler ça exigence. Moi, j'appelle enthousiasme. Kent Nagano, au micro de Renaud Mirois en février 2006. C'est en mars 2004 que l'Orchestre symphonique de Montréal annonce la nomination de Kent Nagano comme nouveau chef de l'OSM, mais ce n'est qu'en 2006 qu'il s'installe véritablement aux commandes de l'orchestre. Kent Nagano succède à Charles Dutoit, dont le règne à Montréal s'est terminé dans la discorde, et son arrivée, l'arrivée de Nagano chez nous, marque les débuts d'un temps nouveau. Pour nous parler des années Nagano à Montréal, je reçois Marie-Christine Trottier, qui est animatrice de l'émission Toute une musique à Ici Musique et qui a accepté de participer à nouveau à cette série d'émissions spéciales où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien, de sujets qui les passionnent. Marie-Christine Trottier, vous l'avez couvert aussi. Les années Nagano, vous les avez couvertes. Bonjour. Du début jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, Jacques. C'est un sujet en or. Un sujet encore en or. Une fois. Et qui s'impose parce que c'est cette année, en 2020, que ça se termine pour lui, pour Kent Nagano, ce rôle de directeur musical et de chef de l'OSM. Mm-hmm. Avant de refaire un petit peu tout le parcours, en fait, le bilan de ce passage de Kent Nagano à Montréal, peut-être nous dire en quelques mots l'importance, comment résumer l'importance qu'il a eue. Une ici. Grande importance. Il est arrivé comme un sauveur et le mot n'est pas faible, n'est pas trop fort non plus. Après les années Dutoit, il a remis vraiment l'orchestre sur les rails, les tournées, les enregistrements ont repris. Il s'est beaucoup investi pour la démocratisation de la musique symphonique, de la musique classique. Il est allé aussi auprès des Montréalais. Et ça, on l'a senti très fort. Pensons à tous les concerts extérieurs gratuits. Pensons aussi à quel point il s'est impliqué dans la communauté, le programme La musique aux enfants pour les plus défavorisés. L'identité montréalaise a toujours été très importante pour lui. Le concert au Centre Bell pour le centenaire du Canadien, dans le métro pour les 50 ans du métro, ce ne sont là que quelques exemples. Que l'OSM fasse partie de ce qu'est Montréal. La virée classique et bien sûr la Maison symphonique, la création de la Maison symphonique qui est indissociable du passage de Nagano à Montréal. Revenons sur ce contexte. Vous le disiez, et c'est vrai que ce n'est pas exagéré de le dire, quand il arrive, c'est vraiment le sauveur. Revenons sur ce contexte. Contexte-là, on l'a peut-être en partie oublié, dans quel contexte il débarque chez nous à Montréal. On écoute à ce propos, ça va vous rappeler des souvenirs, Marie-Christine. Deux extraits d'un reportage que vous avez présenté à l'émission des Hôtels le 6 septembre 2006. C'est le jour même du premier concert officiel de Kent Nagano comme directeur musical et chef de l'Orchestre symphonique de Montréal. La première fois que j'ai la chance de rencontrer cet orchestre, c'était en fait plusieurs ans avant. C'était à l'invitation de Charles Dutoit lui-même. Quand j'ai quitté Montréal, pour la première fois, j'ai jamais fait ça avant, j'ai acheté des souvenirs à l'aéroport. Je me souviens, c'était maple syrup et un drapeau du Canada. Rouge et blanc. Oui, parce que j'étais tellement impressionné que j'ai voulu amener un souvenir à ma femme et ma fille qui m'attendu à Tokyo pour dire, tiens, j'étais là dans un magnifique lieu avec un formidable orchestre et j'ai montré le Canadian flag avec cette première impression, c'était inoubliable. Songez que cet orchestre n'a pas fait de tournée depuis maintenant au-delà de 6 ans. Et bien sûr, nous avons eu des tribulations, tout ce qui a entouré le départ de M. Dutoit, la recherche d'un nouveau chef. Nous avons vécu une grève de près de 6 mois. Tout ça, c'est une série de traumatismes qui menaçaient en réalité l'orchestre. Et nous savons qu'avec l'arrivée de M. Nagano, le règlement du conflit, dans les meilleures conditions, je crois, est de démontrer qu'on est de retour et qu'on regagne les mêmes niveaux avec, on voit bien, une capacité d'aller encore plus haut. Là. Il y a quelque chose de magnifique qui se prépare. Le président du conseil d'administration de l'OSM, Lucien Bouchard, et juste avant, le directeur musical et chef de l'OSM, Kent Nagano, en septembre 2006. Lucien Bouchard parle dans cet extrait, Marie-Christine Trottier, de série de traumatismes. C'est pas rien. Rappelez-nous ce contexte très, très difficile dans lequel, quand Kent Nagano débarque à Montréal. Il résume bien, Lucien Bouchard, ce climat incertain et chaotique qui régnait. À ce moment-là, on se cherchait, l'OSM voulait un chef d'envergure. Et c'est important ce qu'il dit pour bien comprendre justement l'importance de l'arrivée de Kent Nagano à l'OSM. L'OSM qui venait, comme il le dit si bien, de vivre des traumatismes successifs. Le départ de Charles Dutoit dans la controverse en 2002. Qui avait été un grand chef pour l'OSM. Un grand choc aussi, oui. Mais effectivement, qui termine, vous parlez de grand choc, mais ça se termine très, très, très mal. Oui, très mal. Le divorce avec l'orchestre. Le divorce, oui, des déchirures, des blessures profondes, suivi d'une grève des musiciens qui a duré 6 mois. Ouais. Et l'OSM ne faisait plus de tournée, plus d'enregistrement et cherchait un nouveau chef. Alors, ce même orchestre qui a connu de grandes années, c'est vrai, avec Charles Dutoit, de grands honneurs sous le règne de Charles Dutoit, ben, petit à petit, il avait perdu son éclat. Et ça, c'est terrible. Le moral des troupes était au plus bas. Ça coûtera ce que ça coûtera. Là, on était dans l'urgence. On avait besoin d'un nom pour redonner du lustre et du souffle à l'orchestre. Kent Nagano semblait le bon candidat. Et on sait qu'il aura effectivement coûté cher, entre guillemets, Nagano, mais il aura rapporté beaucoup aussi à l'orchestre. Il en est où, Kent Nagano, Marie-Christine Trottier, quand il arrive à Montréal dans sa carrière? Écoutez, à cette époque, Nagano était très courtisé par de nombreux orchestres. Il terminait un mandat à l'Orchestre symphonique allemand de Berlin. Il était aussi directeur musical de l'Opéra de Los Angeles, poste auquel il a renoncé ensuite. Par contre, il a continué comme directeur musical de l'Opéra de Bavière. Il a aussi maintenu son association avec l'Orchestre symphonique de Berkeley, en Californie, son lieu de naissance, son endroit où il est né. Et ça, il l'a maintenu jusqu'en 2008, où d'ailleurs il est retourné, il a emmené l'OSM lors de la grande tournée américaine en 2016. Et puis auparavant, il était à Boston. Il avait remplacé au pied levé Saiji Osawa. C'est là que vraiment sa carrière a démarré, à Boston. Il est allé à Lyon, à Manchester. En somme, un jeune chef qui a dans ses bagages que des fonctions prestigieuses, autant aux États-Unis qu'en Europe, ce qui enrichit justement le personnage, qui rend le personnage riche culturellement. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui, tout ça séduit l'OSM. Pourquoi on va chercher Kent Nagano? Bon, le processus de sélection d'un chef d'orchestre se fait habituellement dans le plus grand des secrets. Qui étaient les candidats en lice? On ne le sait pas. Depuis quand courtisait-on Nagano? Peut-être que pendant le règne de Dutoit, déjà qu'on avait commencé à courtiser Nagano, on ne le sait pas non plus. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'en 1999, quand Nagano a été invité à l'OSM à diriger la 9e de Mahler, la magie a opéré immédiatement. C'est à ça qu'il faisait référence dans l'extrait, quand il vous raconte « je vais me chercher du sirop d'érable ». Oui, le sirop d'érable, ça date de là. Ouais. Américain, francophile, cool, aimé de la critique. On parlait déjà de son charme à Kent Nagano, de sa grâce, de son charisme, je m'en souviens. Les musiciens sont envoûtés et semble-t-il que le coup de foudre est réciproque. Ouais. Une véritable communion se crée. Et déjà, on parle de l'effet Nagano. Déjà, c'est mon premier passage. Et qu'est-ce qui séduit Nagano dans cet orchestre et dans... Il va venir s'installer à Montréal à un moment donné. Pourquoi? Oui. Bien, je vous ai parlé de ses mandats prestigieux, ses postes qu'il occupait, mais à ce moment-là, Nagano n'était pas à la tête de l'orchestre principal d'une grande ville. Et ça, c'est très séduisant pour un chef d'orchestre. Ce qu'on lui offre à l'OSM, c'était d'être le numéro un d'un grand orchestre. Maintenant, avec des pouvoirs que tous les chefs n'ont pas. Oui, mais la question des pouvoirs des chefs d'orchestre demeure à chaque fois un mystère. On suppose qu'on lui en a donné beaucoup. On l'a nommé directeur artistique. Ouais. Je ne serais pas surprise, moi, qu'on lui ait promis la maison symphonique pour... l'attirer davantage. Une promesse non tenue 6 fois pendant 20 ans par les divers gouvernements. Mais lorsque Lynn Beauchamp, alors ministre de la Culture, avait annoncé nous annonçons, il va y avoir une maison, ça ne s'appelait pas maison symphonique, il va y avoir une salle de concert à Montréal. Et cette promesse, cette fois, nous allons la tenir. Alors, la septième fois, ça a eu lieu et ça coïncide avec Nagano, justement. Alors, chez lui, on constate une grande ambition de relever cet orchestre. Oui. Ça l'anime beaucoup. Bon, la preuve. Ah, ça, c'est intéressant ce que je vais vous raconter. Il arrive. Okay. On est en septembre 2004. Il vient à peine d'être nommé et peu de temps après, il prononce un discours à la Chambre de commerce de Montréal. L'OSM et Montréal, une symbiose à cultiver. Alors lui, il arrive là, le nouveau chef, il est parfaitement conscient qu'en plus d'adoucir les mœurs, la musique, c'est bon pour les affaires. Un orchestre symphonique, on se le dise, oui, ça fait rayonner une ville, mais c'est aussi un outil de développement économique. Oui. Il a ce côté très moderne. Très brillant de sa part d'avoir su créer, dès le début, un contact fort avec le monde des affaires. En plus, avec la tête qu'il a, moi, je peux vous dire que les spécialistes de l'image, les spécialistes des communications, ils ont vite compris qu'il devait exploiter son beau visage rayonnant, avec toujours cette intériorité énigmatique. Ouais. Et puis, il y aura sa musique et sa curiosité musicale. Nagano, Marie-Christine Trottier aime bien sûr la grande musique, les grands compositeurs classiques, oui. Beethoven, Mahler, Liszt. Il affectionne aussi des compositeurs plus contemporains. Je parlais de curiosité musicale, ce qu'on vient d'entendre. Philippe Glass, qui vient à Montréal en 2015, s'en est un bon exemple. Parlez-nous un petit peu de ça, de son style, du répertoire qu'il affectionne. Oui, cet extrait que vous venez de faire entendre me donne la chair de poule. Les deux timbaliers étaient là en avant de l'orchestre et Philippe Glass dans la salle. Nagano a toujours voulu donner un écho au monde contemporain, même lorsqu'il interprète la musique des grands maîtres, Mahler, Liszt, Beethoven, Bruckner. Il porte toujours une réflexion sur les œuvres, l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre réalité d'aujourd'hui. Alors, dans cette même vue de l'esprit, il commande des œuvres ou bien il va carrément piger à même le répertoire moderne, ça a été le cas, pour le citoyen américain qu'il est. Et c'est évident qu'aller chercher un compositeur emblématique comme Philip Glass, l'emmener ici, à Montréal, avec l'OSM, bien là, il confirme cette connexion au présent. Et tout comme le fait, d'ailleurs, de présenter la symphonie Tourangalila d'Olivier Messiaen, un compositeur géant, iconique, avec qui il a eu une relation maître-élève très privilégiée. Il a étudié auprès d'Olivier Messiaen. Et ça aussi, c'est une manière de positionner son orchestre au temps présent. Il est aussi allé au Festival de Salzbourg avec l'OSM. Il a joué devant le regretté compositeur Penderecki, une œuvre de lui. Alors, ce sont tous des exemples, et sans parler de tous ses concerts, là, OSM éclaté, à la Société des arts technologies de Montréal, à la SAT, avec Moment Factory. Pour Nagano, le passé et le présent ne font qu'un. Quand c'est de la bonne musique, et surtout quand c'est bien joué. Ouais. Et puis, encore une fois, en donner au plus de monde possible, toucher l'accessibilité. Exactement. Ouais. Cet hiver-là, il a fait fret. C'est l'année qui a fait fret, là. Hein? Je sais pas si j'avais entendu ça, l'année qui a fait fret. On dirait que plus ça va, plus il a fait fret. Cette année-là, il a fait fret. Pas froid, là, fret. Du fret. Fret, fret! F-R-E-T-T-E. N-T. Au pluriel, au pluriel. Nouveau il, il fret. Un fret à vous péter dans gueule. Du moins 75, moins 80 degrés, se cherchait à boule rouge de mercure dans le village. 14 à 15 pieds de neige, à l'heure. À l'heure! T'as pas des flocons, ça tombe en galette d'un pied. Pouf, pouf. Cherchez-vous là la graine, Madame Sirène, hein? Un matin, la belle lurette a dit: Papa, j'aimerais ça aller attendre l'autobus. L'autobus n'existait pas. L'autobus n'existait pas à l'époque. Pas grave, une idée d'enfant. Des fois, j'aurais dit, vas-y, attends l'autobus. Puis elle se braque sur le trottoir, puis elle voit venir ça. Une bourrasque de vent qui fait flacoter de l'oreille, puis le vent qui grossit, puis la bourrasque qui emporte l'urette, qui se met à tire d'oreille, à poncer sur le village. Dernière chose qu'on voit, les petites bottes à l'urette dans la vitrine de la cuisine. Au revoir, la belle urette! Au revoir! Ce qu'on vient d'entendre, Christine Trottier, c'est un exemple formidable de ce dont on a déjà parlé un peu, là, cette volonté de démocratiser la musique symphonique, l'orchestre symphonique. Il fait venir Fred Pellerin. Donc, il y aura ce concert, cette collaboration entre l'OSM et le conteur québécois Fred Pellerin. Ça montre de manière magistrale, encore une fois, cette envie d'être dans la communauté. Oui, cette volonté. De toucher à peu près tous les horizons possibles. Absolument. C'est un très bon exemple que vous avez choisi. Il faut dire aussi qu'ils ont collaboré 4 fois. Ouais. C'est dire que ça a bien fonctionné. Et moi, je m'amuse à voir le visage de Nagano lorsque Fred Pellerin dit « Fred », qu'est-ce qu'il comprend à ce mot. Nagano veut démocratiser la musique classique et il veut rejoindre tout le monde, les enfants. Et cette alliance avec le conteur Fred Pellerin, ça veut dire qu'il est très affectueux envers notre culture. Oui. Ce qu'il a fait aussi pour le centenaire du Canadien de Montréal, pour les 50 ans du métro de Montréal. Et ce qui est bien, c'est que le centenaire du Canadien coïncidait avec le 75e de l'OSM. Mm-hmm. Alors, il a arrimé les deux événements. Il a aussi souligné le 375e de Montréal. Et bien sûr, la virée classique. Ça, c'est très important à Montréal, l'un des plus grands festivals urbains de musique classique au Canada. On espère très fort que la virée classique va survivre à Kent Nagano. Par ailleurs, il veut aussi nous démontrer qu'il a une conscience sociale. Mm-hmm. Par exemple, lorsqu'il rend hommage au père Emmett John, fondateur de l'organisme Dans la rue, qui vient en aide aux sans-abri. Ça, c'est très touchant, cet événement symphonique-là. Même réflexe pour soutenir les victimes du tremblement de terre en Haïti. Donc, très à l'écoute de sa communauté. Oui. La culture qui nous représente, on pense à Fred Pellerin, mais plein d'autres exemples, ses ancrages très forts dans le temps. Il y a un séisme en Haïti, ça touche la communauté qui est importante ici. Il veut marquer le coup, Emmett John. Vraiment, il y a différentes couches à cette écoute qu'il a. Et il veut adoucir les preuves pour les victimes de Lac-Mégantic. Oui. Il se rend avec l'orchestre sur place. Puis son projet pédagogique, moi, ça me fascine comment il réussit, par la musique classique, à éveiller les enfants. Ce programme, La musique aux enfants. Oui. C'est dans l'arrondissement Montréal-Nord. On s'adresse aux plus défavorisés. Et bien sûr, cette importante tournée dans le Grand Nord en 2018, je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu, ça a été très documenté sur les réseaux sociaux, dans le Grand Nord québécois, auprès des communautés inuites, Cree et Innu. Il y a même un documentaire, Chacapech, de Roger Frappier, qui témoigne de cette expérience vraiment sans précédent. Là-bas, on n'en est pas encore revenu, je pense, de voir tous ces musiciens, de voir ce grand orchestre. On a même joué sur des glaciers. Je revois incroyable. Le clarinettiste André Moisan en train de jouer sur un glacier dans le Grand Nord. C'était fabuleux. On vient d'entendre la 9e symphonie de Beethoven. Ça reste probablement la grande pièce emblématique du passage de Kent Nagano à Montréal. Il l'a présenté plusieurs fois à des occasions importantes. Son premier concert officiel comme chef de l'OSM en septembre 2006. Cette même pièce, il la reprend au moment de l'inauguration de cette fameuse maison symphonique en 2011. Oui. Et puis, il va s'attaquer aux symphonies de Beethoven sur disque. Ça nous permet de parler un petit peu de son héritage sur disque, mais Beethoven au cœur de cet héritage-là, Marie-Christine. Oui, absolument, parce qu'il a enregistré l'intégrale des 9 symphonies de Beethoven chez Analecta. Et c'est curieux parce qu'il a commencé à enregistrer l'intégrale, les premières symphonies, à la Place des Arts, à la salle Wilfrid Pelletier, parce que la maison symphonique n'était pas encore terminée. Et il a terminé l'intégrale avec les 2e et 4e symphonies de Beethoven à la maison symphonique. Et on parle d'une acoustique parfaite parce qu'on avait redressé les panneaux plafonds, parce que ça prend un certain temps à trouver l'acoustique idéale à la maison symphonique. Et donc, la 9e a été enregistrée lors de l'inauguration de la maison symphonique en septembre 2011. Et dans l'ensemble, c'est une grande réussite que cette intégrale enregistrée avec l'Orchestre symphonique de Montréal et Kent Nagano à la direction. C'est son principal legs sur 10? Bien, son principal... Écoutez, il y en a d'autres. Oui. Au nombre des réussites, des enregistrements notoires, pensons au concerto pour piano de Chopin avec Charles-Richard Hamelin, qui sont devenus une référence, et aussi le drame lyrique L'Aiglon. Ça, c'est très important parce que ça a marqué le renouvellement de la collaboration de l'OSM avec la prestigieuse étiquette DECA London. Mmh. Et L'Aiglon a eu une critique extraordinaire partout, mondialement, et on est très, très élogieux. Encore un enregistrement de référence pour cette œuvre qui n'est pas très souvent enregistrée. Ouais. C'est un drame lyrique, mais très, très beau. C'est cette année, je le disais au tout début de l'émission, que se termine cette collaboration entre Kent Nagano et l'OSM. L'OSM lui avait offert de rester, Marie-Christine Trottier. Pourquoi ce choix de partir quand même? Mais il ne faut pas oublier que au départ, son contrat se terminait en 2012. Ouais. On l'a gardé bien après. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on suppose que le maestro a peut-être besoin de repos après avoir été aussi actif, aussi impliqué au sein de l'OSM et de la communauté montréalaise. Mmh. Bon, je crois comprendre que ce départ inquiète beaucoup de monde, à commencer par les musiciens. Mais on demeure quand même optimiste. On se dit, bon, bien, on mise sur un renouveau, un vent d'air frais, une autre façon de faire qu'on devra apprivoiser. On est un petit peu dans cette vague-là en ce moment. Il faut dire que le confinement nous rend un peu pessimistes, mais on garde espoir qu'il y aura un après Nagano. Mais son passage est très marquant. Ben, bouclons la boucle en revenant justement sur la manière dont il a marqué Montréal. Mais j'ai le goût de vous entendre des deux côtés, en fait. De quelle manière il a été important pour l'OSM, Nagano, mais de quelle manière l'OSM et Montréal ont été importants pour lui? Bien, je vous dirais, Nagano a redonné le sentiment le plus important qui soit pour un musicien, la confiance. Mm. Yannick Nézet-Séguin dit ça lui aussi. C'est pas en terrorisant un musicien et en lui mettant constamment sous le nez ses imperfections, ses erreurs, qu'on en retire le meilleur. Alors, Nagano, c'est tout le contraire. Lui, il possède les qualités d'un grand chef. Il est calme, patient, ce qui ne l'empêche pas d'être autoritaire. Mm-hmm. Une autorité qui n'est pas destructrice. Alors, avec lui, l'OSM a retrouvé et maintenu son haut niveau de performance. Et Nagano, lui, avec ses nombreuses idées, oui, qui coûtent cher, il a réussi à démocratiser la grande musique symphonique. Il a séduit la jeunesse, le monde des affaires. Il a donné des concerts, la plupart du temps, dans des salles pleines. Mm-hmm. On voulait aller entendre Nagano. Et nous, en retour, ce qu'on lui apporte, on a dit oui à la plupart de ses projets. Il repart avec un sentiment d'accomplissement. Il a aussi quitté l'Orchestre symphonique de Göteborg en Suède. Il demeure chef principal de l'Orchestre philharmonique de Hambourg. Malgré tout, je pense qu'il va s'ennuyer de nous. Je pense que Montréal va lui manquer pour tout ce que je vous ai raconté ici. Marie-Christine Trottier, c'était un bonheur de vous recevoir, animatrice de l'émission Toute une musique présentée à Ici Musique. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.